Chapitre 7e. Mortalité. Un télégramme fut adressé, des lettres furent écrites à l'honorable Geoffrey Dane pour l'informer de la mort de son frère. Mais ni le télégramme ni les lettres ne parvinrent à leur adresse. L'honorable Geoffrey Dane avait quitté Paris sans que personne sût exactement où il était allé. Il avait parlé de l'Italie, de Malte et d'autres pays. On ne savait rien d'autre sur l'itinéraire suivi par lui. Quand ces renseignements parvinrent à Lord Dane, il écrivit aux différents banquiers qui généralement étaient tenus au courant des déplacements de son fils en les priant de lui faire parvenir ses lettres. Pendant ce temps, Herbert Dane profitait des circonstances pour renouer ses anciennes relations amicales avec Lord Dane et reprendre ses habitudes d'autrefois au château. Du reste, il n'avait particulièrement rien fait pour motiver la froideur qu'on lui avait depuis quelque temps témoignée. Lord Dane avait seulement trouvé à redire à ses habitudes de paresse, et Lady Dane avait soupçonné que sa nièce pourrait se laisser aller à l'aimer plus qu'il n'aurait fallu, et tous deux avaient, chacun de son côté, par leur accueil, rendu ses visites de plus en plus rares. Lord Dane lui avait offert de lui procurer un emploi à l'étranger, mais Herbert avait refusé de s'expatrier, et Lord Dane s'était trouvé froissé de ce refus. Tout cela avait jeté du froid entre l'oncle et le neveu, dont les visites avaient, dans les derniers temps, complètement cessé. Mais lors de la mort de Harry, tous ces petits froissements, toutes ces animosités furent oubliées. Herbert Dane apporta au château les moindres nouvelles qu'il pouvait recueillir, et il fut toujours le bienvenu. On avait même pris l'habitude de l'y attendre, et son oncle le faisait souvent demander. Ce fut lui qui, en dehors de la police, fit les plus actives démarches pour arriver à la découverte de l'homme au ballot, et Lord Dane, quoique ses efforts n'eussent pas été couronnés de succès, n'en apprécia pas moins son zèle et son activité. Mais Herbert Dane n'avait pas encore obtenu la grande récompense qu'il ambitionnait, la vue d'Adélaïde Hérole. Adélaïde ne quittait pas sa chambre. Elle était pâle, languissante, malade. Le moindre bruit l'effrayait. Son ombre la faisait tressaillir. Lady Dane pensa que la frayeur qu'elle avait éprouvée la nuit de l'accident, sur les falaises, avait ébranlé son système nerveux, et fit appeler le docteur Wilde. M. Wilde, sans faire précisément d'objection à l'opinion de Lady Dane, attribua surtout la cause de l'état maladif d'Adélaïde à la douleur que lui causait la mort de son fiancé, Harry Dane. Ce n'était chez Adélaïde ni affectation ni maladie imaginaire. Elle était réellement malade d'esprit et de corps. Que d'efforts elle fit pour cacher à tous les yeux ses souffrances et ses terreurs. Personne ne le sut qu'elle-même. Adélaïde Hérole était douée d'une force de caractère bien plus grande que la plupart des personnes de son sexe et de son âge, d'une volonté plus indomptable. Et quand, après quelques jours de réclusion, elle se contraignit à descendre au salon, comme d'habitude, personne au château ne put deviner ce qui se passait en elle. On ne remarqua qu'un peu de fatigue et un calme trop affecté pour être naturel. Ce calme fut cependant un jour brusquement troublé par un mot de M. Wilde. Adélaïde était assise sur le canapé auprès du médecin et de Lady Dane et venait de répondre à une question de celui-ci qu'elle se trouvait tout à fait bien maintenant, quand le nom du capitaine Dane fut prononcé par hasard dans la conversation. Comme si quelque pensée renfermée au fond de ce cœur n'eût attendu qu'un prétexte pour éclater. La pauvre fille fondit tout à coup en larmes et fut prise d'un accès de violent désespoir. M. Wilde attendit qu'elle fût calmée. Alors il s'approcha d'elle et lui posant la main sur le bras, pour donner plus de force à ses paroles, il lui dit « Il y a en vous quelque grande douleur que vous nous cachez, Lady Adélaïde. Croyez-en l'avis d'un homme d'expérience, ma chère enfant, confiez-la nous. Parlez, faites-nous connaître ce chagrin qui vous ronge, déchargez votre cœur de ce poids qui l'étouffe, et vous verrez comme vous serez soulagé. » Pour toute réponse, elle se cacha la tête entre les mains, par un mouvement de terreur indicible. Voyons, laissez-moi deviner, et vous consoler. L'observation douloureuse que vous a faite Lord Dane tourmente votre conscience. N'est-ce pas cela? Est-ce cela? Il faisait allusion à certaines paroles de Lord Dane dans un moment de colère, au commencement de l'enquête, quand il avait appris qu'elle avait menti en niant avoir rien vu sur les falaises. Il lui avait reproché d'être, jusqu'à un certain point, la cause de la mort de son fils, et s'était écrié que si elle lui déclarait de suite ce dont elle venait d'être témoin, on aurait pu se hâter d'envoyer du secours et que peut-être la vie de Harry aurait été sauvée. Lady Adélaïde, la tête cachée dans ses mains, haletante, accablée, répondit en sanglotant. « Vous avez raison. Je suis en quelque sorte cause de la mort de Harry, car j'aurais pu réclamer du secours et je ne l'ai pas fait. Ce sera jamais le remords de ma conscience. Comment pourrais-je vivre ? Ah, je ne survivrai pas. Être arrêté, traduit en justice. Vous traduire en justice pour cela ?» Elle releva timidement la tête et aperçut tout à coup Herbert Dane. Il était entré au salon sans qu'elle l'entendît, et pendant qu'elle pleurait en se cachant le visage, appuyé contre le dossier du fauteuil de Lady Dane, il regardait d'un air étonné et cherchait à comprendre ce qui se passait. Comme si sa présence eût rappelé Lady Adélaïde à elle-même, elle s'éloigna brusquement de M. Wilde. C'était lui faire comprendre qu'il ne devait pas insister, essuya ses larmes et, reprenant son air calme et tranquille, elle se rassit, froide comme une statue de marbre. « Je serai bientôt tout à fait bien, Monsieur Wilde. Ne parlons plus de ma santé, je vous en conjure. Et puis, Geoffrey Dane sera de retour au château dans un jour ou deux. Il ramènera avec lui la gaieté. Il... Oh, c'est vous, Monsieur Herbert Dane? Je vous demande pardon. » Elle se leva à demi de son siège pour lui rendre son salut. Mais avec trop de précipitation, paraît-il, car elle ne vit pas la main qui lui tendait. Le médecin prit congé et descendit au rez-de-chaussée rendre sa visite journalière à Lord Dane, qui n'avait jamais cessé d'avoir besoin de ses soins et dont l'état de santé était plus précaire qu'on en s'en doutait généralement. Et Lady Dane l'accompagna chez son mari. « Je suis si heureux de vous voir mieux portante, Adélaïde, » commença Herbert Dane quand ils furent tous deux seuls et en lui prenant la main malgré elle. « Ma chérie, eh bien qu'y a-t-il ? » Adélaïde venait de retirer vivement sa main d'entre les siennes. « Je vous en prie, ne parlons pas, » répondit-elle d'un ton étrangement contraint et affecté. « Monsieur Wilde me recommande surtout de ne pas me fatiguer. » Herbert Dane se rappela qu'à son arrivée, elle était sous le coup d'une agitation intérieure très violente et se dit que cet accueil, enfantillage sans conséquence, n'avait pas d'autre but que de cacher l'émotion qu'elle ressentait encore. « C'est la première fois que nous nous rencontrons depuis cette fatale nuit, Adélaïde, » reprit-il, la voix pleine d'une tendre sollicitude. « Laissez-moi vous dire combien j'ai souffert de vos propres souffrances et combien j'ai compati aux dures épreuves que vous avez traversées. Il faut reprendre le dessus et oublier, Adélaïde. Le temps est un grand guérisseur et je vous ai prié de ne pas me parler. Je vous le demande encore, » interrompit-elle du même ton d'affectation étrange. Mais malgré ses efforts pour rester calme et froide, sa voix tremblait et sa respiration était haletante. « Je suis fâché que vous soyez venu. » Herbert Dane la regardait avidement. Il s'avança vers le canapé et s'asseyant à côté d'elle, essaya de lui prendre la main. Elle se leva immédiatement et s'éloigna de quelques pas. « Adélaïde, cherchez-vous donc à m'éviter. Je voudrais éviter qui que ce fût au monde, et vous surtout, si vous recommencez à me parler du passé. » J'ai trempé mes lèvres dans les eaux de l'été, mais je n'ai pas encore bu. Cela viendra bientôt. Alors je commencerai une vie nouvelle, et jamais, jamais, je ne me souviendrai du passé. Voulez-vous m'expliquer ce que vous entendez par là ? Il s'était levé, et allait de nouveau s'avancer vers elle. Elle s'éloigna encore une fois et reprit sa place sur le canapé. Herbert s'appuya du coude sur le marbre de la cheminée, et la suivit des yeux profondément étonnés. Elle baissa la tête pendant quelques instants, absorbée dans ses pensées, mais la releva tout à coup, comme si elle eût pris une soudaine résolution. Une vive rougeur colorait ses joues. « En vérité, je ne suis pas en état de parler beaucoup aujourd'hui. Vous avez entendu de quoi m'a accusé M. Wilde, d'être en quelque sorte la cause de la mort de Harry Dane. Que ce soit ou que ce ne soit pas, c'est ce qui probablement ne pourra jamais être éclairci. Il peut avoir été tué sur le coup, par la chute elle-même, et alors tout secours réclamé par moi aurait été inutile. Mais il y a une autre chose que ma conscience me reproche amèrement, cette cruelle imposture, et il faut que je l'expie. De quelle manière ? Demanda Herbert après un moment. Ah, je verrai, je ne sais pas encore. La vraie expiation, hélas, ne sera jamais possible. Vous me pardonnerez, j'espère, un sentiment que vous jugez peut-être être un caprice ou un manque d'affection envers vous. Et d'abord, je dois vous prier de ne plus jamais me parler d'amour. Adélaïde, tout est fini entre nous. Dans mes quelques jours de réclusion et de douleur, j'en ai pris la résolution et rien ne pourra l'ébranler. Je resterai du moins fidèle à la mémoire de Harry, si j'ai eu assez de cœur pour le trahir quand il vivait. Je vous verrai souvent sans aucun doute, car vous viendrez au château comme parent. Mais je vous prie, à partir de ce moment, d'oublier le passé. J'imagine que toute cette commotion a dû vous troubler le cerveau. Non, vous vous trompez. Mon cerveau est aussi lucide que le vôtre. Ne vous approchez pas de si près, je vous en prie. Vous ne changerez pas ma résolution. Qu'ai-je fait pour vous offenser? Personnellement, rien. Je veux rester fidèle à la mémoire de Harry, voilà tout. Je n'oserais la trahir maintenant, j'aurais peur. Oui, en vérité, je craindrais de voir son fantôme apparaître. Harry était mon fiancé. Mais vous ne l'aimiez pas, répliqua Herbert Dane en la regardant curieusement. C'est justement pour cela. Si je l'avais aimé, je le regretterais peut-être moins. Si vous pouvez comprendre ce sentiment, il m'est cher maintenant. Mais pas au point de ne vous marier jamais. Sûrement ce n'est pas cela que vous voulez dire. Peut-être que non. Je me sens cependant si malheureuse dans cette maison que je le crois, si quelqu'un venait me demander de la quitter avec lui, je le suivrais. Herbert ne vient pas vers elle. Arrêtez. Vous acceptez. Vous avez été mon complice dans cette imposture envers Harry. Pardonnez-moi de vous parler ainsi, Monsieur Herbert Dane. Je crains que vous ne compreniez pas mes sentiments. Mais en vérité, je ne puis, Adélaïde. Ma chère Adélaïde, je crois comprendre vos sentiments, je les approuve, et je vous plains. Mais vos idées se modifieront avec le temps. Et, comme la commotion nerveuse que vous avez éprouvée, un jour viendra où il n'en restera plus de traces. Quant à présent, je n'insisterai pas, et je ne vous contrarierai pas. Je sais que vous m'aimez, que vous n'aimez que moi au monde, et j'attendrai patiemment, heureux, toujours heureux d'espérer. Il avait dit ces mots avec une tendresse émue. Puis, voyant Adélaïde, que l'émotion gagnait, se cachait les yeux de ses mains, il vint pas vers elle. Tout à coup, dans un soudain accès de frayeur, elle se leva, comme si elle eût douté de son courage et de ses forces, et se précipita hors du salon, en heurtant presque Lady Dane qui y entrait en ce moment. « Monsieur Wilde ne trouve pas mon mari aussi bien portant que ce matin, » dit Lady Dane à Herbert. « Je crains qu'il ne se tourmente de ne pas recevoir de nouvelles de Geoffrey. » Elle ne se trompait pas dans sa conjecture. Lord Dane était non seulement tourmenté, mais encore irrité. L'honorable Geoffrey Dane avait eu amplement le temps, pensait-il, de recevoir ses lettres et d'y répondre. Geoffrey aurait pu au moins écrire, s'il ne lui convenait pas de venir, observa-t-il ce soir-là même à sa femme. « Je le reconnais bien, là. » Hélas, Geoffrey Dane devait revenir trop tôt, ou du moins ce qui restait de lui. Aux environs de Rome, il avait été pris de fièvre qui, en 3 jours, l'avait emporté. La lettre écrite par Lord Dane lui avait été exactement envoyée par son banquier, mais n'était pas arrivée à temps, et il était mort sans connaître la fin prématurée de son frère. Ce fut son valet de chambre, Wilkins, qui écrivit pour annoncer la douloureuse nouvelle. Le cercueil, embarqué sur un bâtiment partant de Civitavecchia pour l'Angleterre, était déjà en route pour Danechild quand cette lettre parvint à Lord Dane. La douleur de Lord et Lady Dane ne saurait se décrire. Cette mort de leurs 2 seuls enfants fut pour eux un coup terrible, et tout le monde, à Danechild, était convaincu que ni l'un ni l'autre n'y survivrait longtemps. Lady Dane, surtout, semblait frappée au cœur. Les domestiques du château ne pouvaient la regarder sans tressaillir, et disaient qu'ils croyaient voir la mort peinte sur son visage. Par une belle matinée de mai, un corbillard dont la couleur sombre et les plumes noires formaient un lugubre contraste avec l'éclat et la splendeur de la nature, s'arrêta devant le château de Dane. Wilkins l'accompagnait. Le cercueil qu'il contenait en fut retiré et déposé dans la chambre de la mort. Quand un membre de la famille Dane mourait, son corps était placé dans cette chambre, sur un lit de parade, en attendant le jour des funérailles, et le public y était admis à jouir du coup d'œil de la chapelle ardente. L'appartement ne servait jamais à un autre usage. C'était une chambre à mur gris et froid, sans aucun meuble, à pavé de dalles et à fenêtres étroites, trop élevées au-dessus du sol pour que l'homme le plus grand puisse y atteindre et qu'il ne pouvait s'ouvrir. Une légende disait que lorsqu'un Dane était sur le point de quitter cette terre, les dalles de la chambre devenaient humides par places et prenaient une teinte de sang. Quand le cercueil eut été placé sur les chevalets, Lord Dane, traîné dans sa petite voiture et accompagné de Lady Dane, entra dans la chambre de la mort. Trois ou quatre domestiques se trouvaient déjà, ainsi que quelques ouvriers qu'on avait fait demander pour desceller le cercueil. À ce moment, Wilkins, en voyant les ouvriers s'avancer, et se rappelant tout à coup la cause de leur présence, les arrêta d'un geste, et se tournant vers Lord Dane, lui dit « My Lord, je vous demande pardon. Mais est-ce bien utile, croyez-vous? N'y a-t-il pas de danger? Il est mort d'une fièvre putride. » Cet aveu impressionna désagréablement les assistants. Quelques-uns même firent involontairement un pas en arrière. Lord Dane réfléchit. « Je ne crains pas la contagion, dit-il après un instant. Que ceux qui ont peur se retirent. Mais je verrai les restes de mon fils. J'ai entendu parler de substitution, de corps mis à la place d'autres, quand on voulait faire passer pour mort. » Wilkins regardait Lord Dane avec étonnement et les yeux remplis de larmes. « My Lord, est-il possible que vous me soupçonniez? Ma réflexion ne s'appliquait pas à vous, Wilkins. Ce n'est pas à vous que je pensais. Mais il y a une différence entre avoir la conviction morale d'une chose et voir de ses propres yeux. Je n'ai pas le moindre doute que mon pauvre fils Geoffrey ne soit là, dans ce cercueil. Néanmoins, je veux m'assurer du fait d'une manière incontestable. Retirez-vous, ajouta-t-il en se tournant vers les domestiques. Il fit un signe aux ouvriers. « Et vous, commencez votre besogne. Ne feriez-vous pas mieux de nous laisser aussi ?» Ces derniers mots s'adressaient à Lady Dane, qui se contenta de secouer la tête et attendit. L'opération du décellement fut longue, car il fallut dessouder le cercueil de plomb. Les domestiques avaient tous disparu, excepté Bruff. « Oh, je n'ai pas peur, my lord, » dit-il sur un coup d'œil interrogateur de son maître. « Accordez-moi la faveur de voir une dernière fois le pauvre monsieur Geoffrey. » C'était bien Geoffrey Dane. Il n'y avait pas à s'y tromper, et moins changé qu'on aurait pu s'y attendre. Un long et douloureux regard de tous les assistants, quelques sanglots étouffés de la malheureuse mère, et le cercueil fut refermé pour toujours. Geoffrey fut enterré dans le caveau de famille avec toute la pompe et la cérémonie que comportait son rang comme héritier des Dane. Lord Dane était trop faible, trop souffrant, pour assister aux funérailles. Ces récents événements avaient eu un contre-coup funeste sur sa santé. On aurait dit un homme dont la vie s'en va par lambeaux. Le deuil fut conduit par le nouvel héritier. Le nouvel héritier, Herbert Dane, c'était lui, en effet, qui avait pris la place de l'honorable Geoffrey et était devenu le successeur présomptif du titre et des riches et vastes domaines, autant à son propre étonnement qu'à celui de tout le voisinage. Était-il réellement possible que tout cela lui appartînt? Il pouvait à peine y croire. Était-ce bien lui? Se demandait-il en s'éveillant le lendemain matin. Était-ce bien lui l'homme important, l'héritier de Lord Dane? Ou était-il toujours l'obscur jeune homme qui avait coutume de s'asseoir sur cette barrière là-bas pour accommoder sa vieille ligne de pêche, qu'il n'aurait pas même pu remplacer faute d'argent pour en acheter une neuve? À de certains moments, un doute bizarre lui traversait l'esprit. Ses droits étaient-ils bien certains? Toutes les probabilités donnaient comme positive la mort de Harry Dane. Mais enfin, le fait n'avait pas été prouvé d'une manière incontestable. Lord Dane avait rappelé que de telles erreurs sont quelquefois possibles. Un homme enterré à la place d'un autre qu'on fait passer pour mort. Herbert Dane savait que le cas s'était présenté souvent de gens supposés morts, mais dont la mort n'avait pas été prouvée d'une façon certaine. Et reparaissant soudain sur la scène du monde, c'était là une idée à laquelle vraisemblablement personne ne pensait à Dainchild, mais qui importunait le nouvel héritier, plus souvent qu'il n'aurait voulu, et lui était fort désagréable. Il aurait presque volontiers renoncé à tous ses droits pour que ses doutes puissent, d'une manière ou de l'autre, être éclaircis. Lord Dane ne conservait pas une ombre d'espoir. Il était aussi convaincu de la mort de son plus jeune fils que de celle de son fils aîné, dont il avait vu le cadavre dans son cercueil, et pour lui, Herbert Dane était l'héritier incontestable. Aussi désormais l'appela-t-il de son second nœud Geoffrey. Geoffrey était presque un nom patronymique dans la famille d'Aine. Depuis la création de leur baronnie, plus des deux tiers des lords l'avaient porté, et l'on prétendait, encore une de leurs superstitions, que cela prospérait plus que les autres. Herbert Dane avait été baptisé sous les noms de Herbert Geoffrey, et si ses amis ne l'appelaient pas Herbert, c'était pour ne pas le confondre avec son cousin. Maintenant, il devait reprendre, comme héritier présomptif, son véritable nom. Les domestiques ne se trompaient pas en disant qu'ils voyaient la mort peinte sur le visage de Lady Dane. La pauvre femme s'était affaiblie chaque jour davantage depuis les coups successifs dont elle avait été frappée. Et maintenant, elle était mourante, et elle le savait. Un matin, après le départ du médecin que M. Wilde avait fait appeler en consultation, le bruit se répandit au château que l'état de Lady Dane était désespéré. Le célèbre docteur venait de le dire en confidence à M. Wilde. « Elle fera la troisième, alors, » observa Sophie avec une parfaite tranquillité d'âme. « J'aurais cru que ça aurait été d'abord le tour de Mylord. »« Qu'est-ce que vous dites ?» s'écria le sommelier en se retournant indigné. « Eh bien quoi ? Quand il y a deux morts, coup sur coup dans une famille, la troisième ne peut tarder, c'est bien connu cela. J'en ai fait la remarque souvent dans mon pays. Quel merveilleux pays ce doit être !» répondit ironiquement Bruff, qui, sincèrement attaché à son maître et à sa maîtresse, ne pouvait supporter d'allusion à leur mort et surtout tolérer le ton dégagé de la femme de chambre. « Un joli endroit à habiter. »« Plus joli que le vôtre, » répliqua Sophie. « Oh, vous avez beau ricaner, monsieur Bruff, et vous moquez de moi. Si vous vouliez réfléchir un peu. » Le capitaine a ouvert la marche. Ça a été ensuite le tour de monsieur Dane. Maintenant, c'est celui de Milady. « Attendez, et vous verrez. » « Peut-être il aura-t-il une quatrième ?» dit M. Bruff en appuyant sur la phrase d'un air significatif. « Milady est un peu mieux aujourd'hui qu'hier. Permettez-moi de vous l'annoncer, mademoiselle. » Si Bruff eût été plus ferré sur la signification exacte des mots, il aurait dit « un peu plus tranquille et non pas un peu mieux ». Lady Day n'était pas mieux, elle était seulement plus calme, mais de ce calme qui généralement précède la mort. Adélaïde Hérole, dans la même après-midi, était assise au chevet du lit de sa tante, seule avec elle. Adélaïde Hérole, presque méconnaissable, depuis cette nuit fatale, où elle avait éprouvé une si terrible frayeur. Pâle, amaigrie, la démarche languissante, dans un état de prostration continuelle, le caractère inégal, rien ne pouvait plus l'intéresser ou la distraire. Et les étrangers eux-mêmes commençaient à se demander avec étonnement la cause d'un pareil changement. Assise dans le grand fauteuil de sa tante, la joue appuyée sur sa main droite, les yeux fixés sur le feu de la cheminée, elle regardait sans voir, absorbée dans ses pensées et dans une profonde rêverie. Lady Dane, depuis quelques minutes, lui parlait de l'avenir, mais Adélaïde semblait ne pas l'entendre. « Approchez-vous plus près de moi, Adélaïde, » lui dit enfin la malade. « Pourquoi êtes-vous si triste, mon enfant ?» La question prit Adélaïde à l'improviste. Ses joues se couvrirent d'une vive rougeur. « Chère petite, je n'ai pas longtemps à vivre, et je voudrais vous demander... »« Oh, ma tante !»« Ne vous affligez pas, mon enfant. Je vois la mort venir sans crainte. J'ai un ami qui m'attend là-haut, et que je suis heureuse d'aller rejoindre. Le monde m'est devenu trop triste pour que je tienne à y rester. Rien ne m'y retient maintenant, car je sais que les jours de mon mari sont comptés aussi. Nous n'aurons pas même la consolation, lui, retenu dans sa chambre, infirme, moi, malade dans celle-ci, de nous dire un suprême adieu. « Non, non, ma tante, vous le verrez encore, » dit Adélaïde, les yeux remplis de larmes. « Lord Dane est levé, et on le montra ici ce soir. Le pourra-t-on ? Dieu soit loué, si la chose est possible. Mais je vous demandais, Adélaïde, d'où vous vient cette étrange tristesse ? Je ne pense pas que la mort de Harry en soit la cause. Ce fut là une mort bien terrible, ma tante, » bégaya la jeune fille en évitant de répondre à la question. « Oui, une mort terrible. » murmura Lady Dane. « Mon enfant, qu'il n'y ait pas d'équivoque ni de secret entre nous à mes derniers moments. Je croyais que vous n'aimiez pas Harry et que vous auriez avoué votre amour pour Herbert si vous aviez osé. Je devrais l'appeler Geoffrey maintenant, mais j'oublie quelquefois, et puis ce nom-là me rappelle trop mon pauvre enfant mort. Si vous l'aimez, Adélaïde, rien ne s'oppose plus aujourd'hui à votre mariage avec lui. En ce cas, vous n'auriez pas besoin d'aller habiter chez Madame Grant. Ce serait pour vous une triste nécessité, accoutumée que vous êtes à la vie de château. Dites-moi la vérité. » Adélaïde Hérole était visiblement agitée en se penchant vers sa tante, qui, retenant sa main entre les siennes, l'interrogeait anxieusement du regard. Il fallait parler. Impossible de se taire, impossible d'échapper. Je ne désire pas épouser Herbert Dane. Il est Geoffrey Dane aujourd'hui. Il succédera à son oncle, il sera Lord Dane. Je le sais. Mais je n'ai jamais tant aimé Harry que depuis sa mort et je ne donnerai à personne la place qu'il occupe encore dans mon cœur. Herbert, Geoffrey, j'oublie moi aussi. Geoffrey ne sera jamais mon mari. Alors vous êtes décidé à aller chez Madame Grant? Je le crois. Je serai bien malheureuse, je le sais. Mais, en m'attendant, pourquoi Harry est-il mort? Ah, s'il était vivant, je l'épouserai à l'instant. Elle s'éloigna vivement du lit de Lady Dane en disant ces mots et éclata en sanglots nerveux. Peut-être le contraste entre la vie qui aurait été la sienne comme châtelaine de Danesheld et celle qui l'attendait chez Madame Grant, pauvre et obscure, était-elle cause de cet accès de désespoir? Peut-être aussi un autre sentiment débordait-il, malgré elle, de son cœur. Quelques heures après, Lady Dane rendait le dernier soupir.